Jérémie chapitre 16. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras point de fils ni de fille en ce lieu-ci. Car ainsi a dit l'Éternel, touchant les fils et les filles qui naîtront en ce lieu-ci, et touchant leurs mères qui les auront enfantées, et touchant les pères qui les auront engendrés en ce pays. Ils mourront de maladies très douloureuses, ils ne seront point lamentés, ni ensevelis, mais ils seront sur le dessus de la terre comme du fumier, et ils seront consumés par l'épée et par la famine, et leurs corps morts seront pour viande aux oiseaux des cieux, et aux bêtes de la terre. Même, ainsi a dit l'Éternel, n'entre point en aucune maison de deuil, et ne va point lamenter, ni te condouloir pour eux, car j'ai retiré de ce peuple, dit l'Éternel, ma paix, ma miséricorde et mes compassions. Et les grands et les petits mourront en ce pays, ils ne seront point ensevelis, et on ne les pleurera point, et personne ne se fera aucune incision, ni ne se rasera pour eux. On ne leur distribuera point de pain dans le deuil, pour consoler quelqu'un d'eux au sujet d'un mort, et on ne leur donnera point à boire de la coupe de consolation pour leur père ou pour leur mère. Aussi tu n'entreras point en aucune maison de festin, afin de t'asseoir avec eux pour manger ou pour boire. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais faire cesser de ce lieu-ci, devant vos yeux et en vos jours, la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Et il arrivera que quand tu auras prononcé à ce peuple toutes ces paroles-là, ils te diront, pourquoi l'Éternel a-t-il prononcé tout ce grand mal contre nous? Et quelle est notre iniquité, et quel est notre péché que nous avons commis contre l'Éternel, notre Dieu? Et tu leur diras, parce que vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel, et sont allés après d'autres dieux, et les ont servis, et se sont prosternés devant eux, et m'ont abandonné, et n'ont point gardé ma loi. Et que vous avez encore fait pis que vos pères, car voici, chacun de vous marche après la dureté de son cœur mauvais, afin de ne point écouter. À cause de cela, je vous transporterai de ce pays en un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères, et là vous serez asservis jour et nuit à d'autres dieux, parce que je ne vous aurai point fait de grâce. Néanmoins voici, les jours viennent, dit l'Éternel, qu'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait remonter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais on dira, l'Éternel est vivant, qui a fait remonter les enfants d'Israël du pays de l'Aquilon, et de tous les pays auxquels il les avait chassés, après que je les aurai ramenés dans leur pays, lequel j'ai donné à leur père. Voici, je m'en vais mander à plusieurs pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront, et ensuite je m'en vais mander à plusieurs veneurs, qui les chasseront par toutes les montagnes, et par tous les coteaux, et par tous les trous des rochers. Car mes yeux sont sur tout leur train, lequel n'est point caché devant moi, ni leur iniquité n'est point scellée devant mes yeux. Mais premièrement je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché, à cause qu'ils ont souillé mon pays par leurs victimes abominables, et qu'ils ont rempli mon héritage de leurs abominations. Éternel, qui aime ma force et ma puissance, et mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi des bouts de la terre, et diront, certes nos pères ont hérité le mensonge et la vanité, et les choses auxquelles il n'y a point de profit. L'homme se fera-t-il bien des dieux, qui toutefois ne sont point dieux? C'est pourquoi, voici, je vais leur faire connaître à cette fois, je vais leur faire connaître ma main et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel.